Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran du poste et à ckrl.qc.ca sur la toile aux quatre coins de la planète ou presque. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir autour d'un programme un peu désinvolte, sans orientation trop précise, sinon que de vous inviter à l'écoute de créations sonores qui mettent au défi tous les attendus et rythmes prévisibles de nos musiques quotidiennes. Alors, on va écouter des explorations menées par deux collectifs de créations sonores qui nous dévoilent des personnalités acoustiques très singulières et tout de même humoristiques. Bon, les ensembles Bibit et Klaxongueule, on les écoutera en seconde partie d'émission. Or, pour débuter la soirée, je vous propose un magnifique projet hommage au célèbre compositeur, musicien et artiste sonore américain Terry Riley. Pour paraphraser un commentateur, c'est une chose, dit-il, de maîtriser un genre, c'en est une autre d'en être le pionnier. Eh bien, Riley a réussi tout ça. Une longue carrière qui débute par une exploration musicale qui sera à la source du minimalisme musical aux côtés de ses contemporains, contemporaines, Pauline Oliveros, Morton Subotnick ou Steve Reich. On connaît la suite, les avancées du free jazz et les travaux sonores de son ami Lamont Young vont nourrir l'apparition de pièces célèbres comme son In C, en do, je traduis, une construction de fragments mélodiques aujourd'hui considérée comme l'une des premières compositions minimalistes. Ben, on est en 1964 et je vous propose qu'on écoute un extrait de cette pièce, de cette œuvre, ça va vous, ça va sûrement vous dire quelque chose. Alors on écoute ça. Thank you. L'influence de Riley sera considérable, une source d'inspiration pour les Philip Glass, John Adams, Julia Woolf, bon, j'en passe plusieurs. Le 24 juin 2023, un hommage virtuel était rendu à Terry Riley à l'occasion de son 88e anniversaire. Au cours d'un événement télématique sans précédent. Donc, sur le coup de minuit, une communauté de 88 musiciens et artistes du son répartis dans 23 pays s'est réunie en ligne pour jouer des sonorités en commun, en direct et en temps réel. Tout ça se passe sans matériel préenregistré, sans repère, dit-on, ni filet de sécurité. Les artistes interprétant ensemble Poppy 88, une composition collective arrangée par Heaven Zipporin, tout ça inspiré et basé sur la création de Riley, intitulée Poppy No Good and the Phantom Band. On raconte que ce concert diffusé en direct a repoussé les limites de la performance virtuelle, mettant en valeur le pouvoir transformateur de la collaboration artistique combinée à la technologie intelligente pour transcender les barrières culturelles et géographiques. Je referme les guillemets. Cela dit, trêve de description, on écoute un bref extrait de la version originale de Poppy No Good and the Phantom, tiré du célèbre album A Rainbow in Curved Air, enregistré en 1969, pour enchaîner ensuite l'intégrale de ce projet d'hommage intitulé Poppy 88, hommage à Terry Riley, né un 24 juin de l'année 1935. On écoute ça. Thank you. Et bien voilà ce qui complète la première demi, un hommage à Terry Riley qu'on retrouve sur la plateforme canadienne People's Place and Record. Je vous reviens après la pause avec des créations des ensembles sonores Made in Québec cette fois. À tout de suite. KRL 89.1. Vous écoutez? La Croche-Oreille. Eh bien, on est de retour. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL qu'on retrouve aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone jusqu'à 22h en compagnie, cette fois de quelques artistes sonores, musiciens, créateurs, réunis autour des ensembles Bibitte et Klaxon-Gueule, deux ensembles qu'animent les artistes Bernard Falaise, Alexandre Saint-Onge, Michel F. Côté et Éric Forget, celui-là, ce dernier du côté de l'ensemble Bibitte. Et je débute ça sans grand préambule à l'image de cette production de 2014 de l'ensemble Bibitte qui se veut un petit traité d'entomologie sonore concocté par messieurs Falaise, Forget, Saint-Onge. Beaucoup d'humour et de belles sonorités qui sont une sorte de défi aux musiques qui finissent, parfois par nous endormir. Alors on écoute ça. Thank you. Eh bien, c'était deux titres tirés de l'album Bibitte, par le groupe Bibitte. Je vous présente les créateurs de cet ensemble. Bernard Falaise, un gars de Montréal, guitariste, on dit de lui, véritable touche-à-tout musical. Il compose, joue de la guitare et improvise. Eh bien, je le salue. On a eu la chance de présenter son travail il y a quelques années. Alexandre Saint-Onge, un artiste interdisciplinaire, un performeur sonore qui explore le corps performatif. Il enseigne à l'École des arts visuels de l'Université Laval, alors je le salue. Enfin, Éric Forget, acteur d'abord, mais aussi concepteur sonore et compositeur. Éric œuvre sur scène, en danse contemporaine notamment, et ça depuis très longtemps, une trentaine d'années. Alors voilà, on poursuit l'écoute des créations de l'ensemble Bibitte, deux titres tirés de cet album. Alors, pour compléter la soirée, on fait ça avec de belles sonorités de klaxon-gueule réunies autour d'un album intitulé Chicken. Pourquoi Chicken? Eh bien, parce que klaxon-gueule a créé une musique de salon profanée par un poulet, j'imagine. J'ouvre les guillemets, fiante, feinte, basse-cour, à la fois acoustique, électrique et numérique. Chicken ne ménage rien, nous racontent les auteurs. La voix discrète, mais sans tête, va de gauche à droite. Il y a une qualité extrasolaire à cette production, nous raconte klaxon-gueule. Un ensemble formé par Michel F. Côté, aux percussions, électronique, voix, par Bernard Falaise, guitare, clavier, et Alexandre Saint-Ange à la basse, aux électros et puis à la voix. Je souligne en terminant la conception visuelle des albums qui a été réalisée magnifiquement par Fabrizio Gilardino. Alors, on peut retrouver ça sur la plateforme Bandcamp. Alors, on écoute ça sans interruption, des créations tirées de l'album Chicken de klaxon-gueule. Thank you.

Thank you.